On va parler de patinage de vitesse sur côte de piste. On va parler avec un de nos collaborateurs, David Simard, puisqu'il y avait une compétition. Si on parlait maintenant, ça se déroulait au Centre Georges Vézina de Chicoutimi. Et il y avait des patineuses et des patineurs de Saint-Félicien qui étaient en action. Et on va parler avec David Simard. Salut David! Bonjour! David, en fait, c'était quoi cette compétition-là? En fait, c'est le circuit provincial. C'est un circuit un peu... c'est un circuit qui regroupe l'Est du Québec. C'est les meilleurs patineurs de l'Est du Québec d'âge un peu plus jeune. Donc, entre 14 et 18 ans, si on pourrait dire. C'est un peu notre niveau juste avant le circuit élite, qui est le meilleur circuit de compétition au niveau québécois et canadien. OK. Donc, si on y allait avec ce qui s'est passé du côté de nos athlètes, on va parler du groupe 2. Olivier Collard de Saint-Félicien a terminé 6e. Olivier, il y a une belle compétition. Olivier se voulait monter dans de groupe. En fait, il voulait monter au niveau du groupe 1 masculin. Il n'a pas réussi, ça a passé proche. Ça s'est décidé un petit peu à la dernière course. Je pense qu'il a chuté. Fait qu'il n'a pas réussi à se classer. Mais malgré tout, il a fait une très belle compétition. Il a compétitionné toutes les courses. Il s'est rendu en finale pratiquement partout. Donc, pour moi, moi, je l'entraîne au niveau de Saint-Margagnon et je vois vraiment une amélioration depuis le début de l'année qui est constante. Okay. Quoi qu'en entraînement, présentement, il est beaucoup meilleur que ce qui est reflété présentement dans son niveau de compétition. Puis souvent, chez les plus jeunes patineurs, c'est le stress tout ça qui est à ce niveau-là. Il y a un beau potentiel, pour moi, hein? C'est un très beau potentiel. Ouais. C'est un gars qui est multisport un petit peu. Il joue un petit peu au hockey avec l'école à sa polyvalente. Donc, c'est un petit gars qui est multisport un petit peu, mais qui développe présentement pour le patinage de vitesse. OK, on va y aller avec les autres. Nicolas Tremblay, 12e place, et Jean-Christophe Tremblay de Saint-Félicien, 12e et 13e. Oui. Donc, deux patineurs de Saint-Félicien. Donc, il est au niveau du groupe 4 masculin, en fait. Donc, deux jeunes patineurs qui ont 14 ans. Donc, c'est parmi la catégorie les plus jeunes un peu, eux. Pour moi, c'était la première fois que je voyais patiner, donc c'est intéressant parce que moi, en tant que mandataire au centre régional d'entraînement, donc j'ai le mandat de regarder un peu tous les patineurs et un peu leur niveau, où ils sont rendus. Avec beaucoup de discussions avec Lapage, j'en avais entendu parler, fait que ça m'a permis de voir un peu leur performance. Présentement, des très bonnes courses, des personnes qui débutent dans le circuit, donc un peu plus de stress. Moi, ce que je vois, c'est des bons potentiels, des patineurs qui sont capables d'atteindre quand même certaines bonnes courses, donc des vagues B, des vagues A dans cette catégorie-là. Donc, quand les jeunes vont être rendus vers 14, 15, 16 ans, donc l'année prochaine, on va être capable d'avoir un peu plus un niveau, parce que ça, c'est ils apprennent un peu à compétiner contre des plus grands, des gars de 16, 17 ans. Ça arrive vite. Souvent, à l'entraînement, sont un peu individuels, vu qu'ils sont jeunes, souvent, ils vont patiner plus de façon, on travaille plus au niveau technique. Donc, les courses, c'est pas un élément qu'on travaille précisément à part dans les compétitions. Donc, moi, ce que je vois dans l'année, ça va être très bon pour eux. Donc, deux bons patineurs qui sont bien observés quand même au niveau de Saint-Félicien. Puis à Saint-Félicien, en plus, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, je vois plus de gars. Fait que traditionnellement, avec Cassandra Bradette et Marianne Saint-Gelais, les filles étaient beaucoup présentes, mais de plus en plus, on voit que des gars là, commencent à s'ingérer là-dedans dans le circuit de compétition. Mais pour moi, je vois un bon potentiel, donc on voit un peu la variété au niveau des filles là-bas. Les filles sont surtout élites présentement au niveau de Saint-Félicien, mais présentement, on voit quand même un développement au niveau des jeunes patineurs qui sont masculins à Saint-Félicien. Donc ça, je trouve ça bien, puis c'est très bon. Fait que, je ne sais pas si c'est à cause que Charles Amier va faire des tours avec Marianne dans les écoles, tout ça, dans cette région-là, mais ça peut aider sûrement. Ça doit voir après notre niveau après les Olympiques, qu'est-ce que ça va donner dans cette région. Fait que, à ce niveau. J'ai hâte de voir, parce que, tu sais, quelque part, ils vont avoir un petit défi, eux autres-là, là, parce que Marianne prend sa retraite. Ben, c'est sûr que Marianne va rester toujours une bonne ambassadrice pour le patinage de vitesse. Peu importe c'est ça. Puis Marianne, tu sais, je pense qu'elle va rester toujours dans le milieu quand même. Peut-être qu'elle va prendre un petit peu mal de distance. Ça, c'est normal. Plus athlète. Mais il va rester quand même Cassandra, que d'après moi, elle va partir pour un autre cycle, étant donné que Samuel, son chum, est encore dans le circuit. Ouais. Puis là, ça va bien depuis certains temps. Elle n'a pas eu de ça faire un bout de temps, puis je pense qu'elle est sur une lancée. Fait qu'on va quand même avoir un autre athlète. Puis qui sait, il y en a quand même quelques-unes qui sont à la. Qui sont pas tellement loin, je te dirais qu'ils sont dans l'antichambre. On a des Catherine Maillot. Pour le prochain cycle olympique, je peux te dire que chez les jeunes filles, on a régionalement, on en a encore autant que présentement sur l'équipe nationale qui sont capables de se battre en fait, des places que, autant au niveau de Saint-Félicien avec Léonie Bradette, Catherine Mailloux, qu'au niveau de Dolbeau avec Karina Momini, Maude. On a aussi, même dans la région, avec Claude Gagnon, on a des Vincent Girard. On a beaucoup de jeunes, quand même, patineurs qui sont dans les circuits mondiaux, qui commencent à faire des juniors, tout ça, qui vont être éligibles à ce niveau. Aux Olympiques dans 4 ans, après au Sochi, après Pyongyang, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ben, parlons-en justement, parce qu'il y a une compétition, intéressante en fin de semaine, donc tout le monde va être là, puis on va s'en reparler la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Donc, Catherine Mailloux, Audrey... Ben, en fait, on va avoir... Maud Tremblay va être là aussi. C'est ça, on va avoir plusieurs patineurs, en fait, on aurait eu Rosalie Tremblay qui aurait été éligible, mais présentement, elle a eu une opération au niveau du genou qui n'est pas présente. Fait que, de Saint-Félicien. On va avoir Léonie Bradette qui va compétitionner à cette compétition-là. On va avoir Catherine Mailloux. On a Maud Tremblay. C'est toutes des jeunes patineuses, en fait. C'est les 32 meilleurs patineurs canadiens qui sont là, dans cette section-là. Ils sont classés par les qualifs nationales ou par leur éligibilité parce qu'ils ont fait les sélections olympiques au début de l'année. La seule patineur qui ne sera pas là, ça, c'est les 6 de l'équipe nationale présentement qui sont aux Olympiques, en fait. Donc, on peut considérer que c'est des bons patineurs. Donc, c'est dans le but de faire cette compétition-là. Ça leur amène à faire des gros circuits seniors, malgré qu'ils ont 15, 16, 17, 18 ans. Fait que c'est des jeunes patineuses. Puis, c'est de l'expérience qu'ils vont prendre au niveau national, connaître les adversaires qu'ils vont avoir demain. Fait que, pour moi, c'est un gros test. On a une bonne délégation régionale, je te dirais, qui va être là. Autant au niveau du Saguenay que du lac Saint-Jean. Au niveau du lac, on a plus au niveau du lac, par exemple. On en a un présentement qui va refléter au niveau de la région. 2 qui vont avoir au niveau du Saguenay. Puis 3 au niveau Saguenay. On va en avoir environ 3 à 4 au niveau Saint-Félicien, au niveau du haut du lac. Fait que, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, moi, je vais être présent la fin de semaine. On va avoir des bonnes courses. Puis, c'est beaucoup des courses d'expérience. Je m'attends pas à avoir des podiums chez ces filles-là. C'est des jeunes patineuses, mais je m'attends à avoir peut-être des top 20. Ce serait extrêmement bien pour eux. Sur 32 patineurs, ça les placerait quand même bien pour les autres prochaines saisons. Fait que, pour ma part, ça. Ben, on s'en reparle la semaine prochaine, David, lundi prochain, pour cette chronique-là, puis nous faire un compte-rendu de ce qui s'est passé. Parfait, merci. Voilà, donc David Simard qui nous parlait d'une compétition en fin de semaine de patinage à vitesse sur Contopé.